paroles du guide. Personne n'est incorruptible. Vu qu'il n'y en aura jamais assez, il me faut du bif. J'ai encaissé les coups de dos contre les cordes du ring. Comment veux-tu que je lâche le morceau? J'ai les crocs du tigre. J'entends derrière la porte, tu vises le cri de Dan. Je prie pour mon pote qui marche au bord du vide depuis des années. Je pense au passé, tard l'époque où je rêvais pas l'âne. Mon âme est tachée un peu trop, je ne pêchais ma salle. Perds pas ton temps à dépenser ta salive. J'écouterai nada, j'ai trop de feu dans les mains pour ma sage. Yeah, je mène ma vie comme si je driftais avec des pneus Pirelli. Tourne pas le doigt ton pire ennemi. 25, on se propage comme une épidémie. C'est quasiment de la magie noire, les wacks on devient épileptiques. Quand on fumait de la peau sur le parking à 17 piges, on s'en battait les couilles. Maintenant tard pour les gens qui décident. Épargnez-moi vos inepties, je veux boire le meilleur millésime. Quand je vous dis qu'il me faut du cash, c'est pas des billets de 10. Hein, c'est pas des billets de 10. Je suis dans le wagon 7, je vois les images qui défilent. Ai-je pris des risques, je ne sais pas. C'est quand on aura pris des rides qu'on regrettera. Même si le vice m'assomme, je peux pas perdre espoir. De toute façon, tant que le sol est sous ma paire, j'ai le choix. Puta madre, je peine à rester droit. Je paierai comme si c'était la dernière fois. Yeah. La dernière fois. Je paierai comme si c'était la dernière fois. Dernière fois.